Sur l'emplacement après le panneau, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D.